Activité 7, page 81. Piste 64. A. J'aime bien ce chemin. B. Je cherche la boulangerie. C. Mon village est à gauche. D. Il fait chaud chez nous, mais la neige tombe dans les Vosges.